êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 15 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et je m'appelle François-Olivier. François-Olivier qui, encore une fois aujourd'hui, parce que ça paraît peut-être pas en ondes. Quoi, je suis beau? Oui, ben, t'es toujours beau, mais pour vrai. C'est ce que tu t'en as dit. T'as des beaux vêtements à tous les jours, tu m'inspires. Non, mais je devrais m'inspirer plus de toi, ça, dans la vie. Pour vrai, t'es un modèle. De la mode masculine. La mode masculine, ouais. Non, je me sens à matin. Là. En fait, tu m'enseignais des choses sur la drogue, Colin. Tu sais, tu connais pas ça, là, toi. Non plus. Je connais pas ça partout. Mais tu vois comment je pars de loin si toi-même, tu peux m'enseigner des affaires là-dessus. Ouais. J'étais pas au courant. Non, mais en même temps, écoute, c'est plus... Je sais pas. La culture générale, ben, comme on dit. Ouais, je dirais ça, mais en même temps, écoute, la drogue, personne n'a besoin de savoir ça. Là. Non, c'est ça. Du crack, ça se fume. C'est ce qu'ils disent. Mais non, hier, je parlais avec quelqu'un d'autre au bureau, et puis qui me disait que c'était de la culture générale de connaître les membres des Rolling Stones. J'étais comme, c'est pas une culture générale que j'ai besoin d'avoir les noms des gens dans un groupe de musique, moi, tu vois. Même ouais. Si tu m'es dit, non, je vais pas retenir ça. Je m'en ben, en fait, on connaît les plus populaires. Oui, les Beatles, mettons Ringo. Mick Jagger. Oui, les lèvres. Ringo avec son toupette. Ben là, on parle des Rolling Stones ou des Beatles? Les deux. Là. Okay. C'est pour ça que je te disais, je pourrais pas te dire quel membre va dans quel groupe nécessairement. Keith Richards, Rolling Stones. encore une fois. Ouais. Qui d'autre? Ben Laden. Ben Jerry. Ben Laden. Dans quel Ben, lui, déjà? C'est pour... ZZ Top, je pense. Ça a bien pogné, par exemple. Grosse barbe. Elle m'en courait après. C'était de la bombe. La trouve pas pire, ça. Pas pire, ça. Donc, on vous laisse tomber des indices par rapport au futur jeu C'est fou la musique qui s'en vient au carnaval de l'UQTR 2013. Ouais, écoutez-nous, là. On va vous donner la On va vous donner toutes les réponses. On va vous faire jouer quelques bands sûrement qui vont avoir une présence dans ce quiz-là au cours des prochaines semaines. C'est évident parce que le quiz, c'est quoi? Steve Dean! Je le reconnais. C'est quand? Écoute, dans deux semaines, trois semaines, début du mois de février, fin du mois de janvier. Exactement. Écoute, ouais. La journée exacte, là, j'ai pas ça. Je peux pas te le dire. Pas grave, on va vous en reparler de toute façon d'ici la fin du mois. Vous savez, aujourd'hui, on est mardi 15 janvier 2013. C'est la continuité de notre mois de janvier épique, le janvier pique. Le janvier pique. Vous savez, à tous les jours, on a quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant, quelque chose qui n'a jamais eu lieu à la radio. Aujourd'hui, notre nouveauté du jour, c'est la nouvelle chronique. Arrête avec tes questions. Arrête avec tes questions, Matt. Ben oui, parce que je vais répondre. Aux grandes questions de la vie, des questions que toi-même tu te poses. Ah, ça va être. J'ai hâte de voir les questions que je me pose. Ben, est-ce que tu t'es déjà demandé peut-être pourquoi ça fait aussi mal quand tu te coupes avec du papier? Hein? Ah, c'est pas. La semaine passée, d'ailleurs, je me suis coupé dans l'intérieur, entre deux doigts. À l'intérieur, comme Jackass qu'ils font, là. Comme Jackass. Ben, Jackass font ça avec les doigts de pied aussi, là. Hey, c'est hallucinant, ça fait mal, là. Encore une autre émission éducative. Oh, tout à fait. Culture générale. Hein. D'où vient... Ça prend ça pour savoir que ça fait mal. C'est essentiel, je te dis. D'où vient le nom Acme Corporation aussi. Tu sais, Acme dans les dessins animés. Là. Ah. On répond à ces questions-là dans Arrête avec tes questions. Et ça va être plus tard dans l'émission d'aujourd'hui. En fait, ça va être en première heure. Ensuite, en deuxième heure, 8h, Michel Lebrun, qui parle de justice et du domaine judiciaire dans sa chronique Panier à salade. Tout à fait. Sympathique Gaillard. Tout à fait. On l'adore. Chronique très intéressante. Hein? Chaque mardi, là, on vous en apprend sur la justice. Tellement. Ensuite de ça, à 8h30, Anne-Julie Durocher qui va nous suggérer des choses à voir et à entendre, ou en tout cas des choses. Juice. Elle peut aimer Anne-Juice. Anne-Juicy. Anne-Juicy. Écoute, c'est du calibre à Mathieu Plante, là, mon jeu de mots ce matin. Oui, mais tu sais, moi, je l'aurais peut-être pas dit. Oh, arrête donc. Regardez pourquoi. Hey, d'ailleurs, Anne-Julie, hein, elle nous réserve une belle surprise, je pense, vers la fin du mois de janvier. Comment ça? Elle veut se faire raser les cheveux. Ah, j'ai entendu ça. Oui. Donc, elle recherche du financement. Donc, on va la plugger. Là. On va collaborer à ça, c'est sûr. Faites un don au nom de François-Olivier Marchand. Je m'occupe du transfert. Hey, les crosses, là, des jeux de C'est fou. Hey, ça passe, hein? Est-ce qu'on en parle, non? Est-ce qu'on en parle après Tremblay? Je sais pas. Bon, on peut survoler le sujet tantôt. Pour l'instant, rien de mieux. Parce que c'est... C'est rien de mieux. Rien de mieux pour Marc Seria. Cette manie-là qu'on rien ne va plus. Courir après ceux qui s'en vont. Chaque sourire a besoin de son chat, sinon les deux tournent en rond. Me rien trouvé mieux. T'es plus qu'un one night, t'es plus qu'un rebound. T'es un jab sur ma tête qui met à terre au premier round. Tu me dis que tu m'aimes pas, que tu te sens bien dans le célibat. Tu sais trouver les mots pour faire tomber les cœurs. Tu me parles de lui, de l'autre, du seul à qui te dit oui. Tu me parles de moi aussi. Tu me trouves beau, tu me trouves drôle. Je te trouve belle dans ta robe, sans ta robe, tes épaules qui font danser les cœurs. J'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé mieux que ton corps qui se déshabille. J'ai rien trouvé mieux. Ton one night, au mieux ton rebound. Quand j'étais avec toi, je me sens comme un produit, j'essaie de me vendre. Tu te saoules de plaisir, tu restes jamais dormir. Tu refuses le malaise, l'ennui. Tu te protèges de l'amour, puis tu gaspilles l'envie. J'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé mieux. C'est quoi cette manie-là qu'on a de courir après ceux qui s'en vont? Tremblay, la pièce Rien de mieux à Assemblage requis. Il est 7h10 minutes et juste avant Tremblay, on parlait de Marc Perrière et sa sentence qui a été annoncée hier, en fait, qui est tombée hier. Et François-Olivier et moi allons en parler un petit peu, hein, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Écoute, on va faire ça brièvement quand même. Ben, c'est une histoire importante pour ces fous et ceux qui suivent un petit peu l'histoire de ces fous depuis les dernières années sont au courant de la plupart des détails parce que disons que ça a été long. Très long. Comme péripétie, et on n'amenait pas grand détail à grande fréquence parce que c'était. C'est ça. Non, c'était reporté, puis en fait, des détails, on n'avait pas tant que ça. On n'avait pas plus que. Que le grand public, finalement. C'est pour, ça, c'est ça, exactement. On se renseignait de la même façon que vous là-dessus. Et donc, on va un petit peu faire le tour des articles qui ont été publiés là-dessus depuis les derniers jours dans les grands journaux. Est-ce que tu veux commencer? Ok, je peux commencer. En fait, dans le Nouvelle ce matin, un article quand même assez complet. On parle en fait évidemment de la fraude de Marc Perrière. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Marc Perrière, en fait, le directeur général ici de la radio et du journal, était parti avec beaucoup d'argent. Une centaine de milliers de dollars environ. Ouais, on parle de 90 000 $, mais par contre, en fait, il n'a pas payé non plus les fournisseurs. Donc, exact. En fait, là, et il s'était donné des augmentations de salaire. Est-ce que ça compte dans le 90 000? Ouais, ouais, okay, ouais. Et des avances de fonds aussi sur. Marge de crédit, carte de crédit. Ouais, exactement. Et puis, donc, voilà. Et puis, écoute, hier. La sentence est tombée, comme tu mentionnais. 7 mois de prison ferme, avec 2 ans de probation. Écoute, on est satisfait. Oui. Ben, c'est pas autant qu'il aurait pu être donné s'il y avait eu des. Si ça n'avait pas été sa première fois, sa première offense dans ce domaine-là. C'est ça exactement. Exactement. Et évidemment, en fait, la sentence la plus haute, je pense, c'était 14 ans de prison. Mais, si t'avais des. Si t'es récidiviste, mais. Récidiviste, oui, exactement. Et des facteurs aggravants. Ouais. Voilà, en fait. Ce qu'on a appris par contre, hier, en allant en cours, parce qu'il était avec moi hier, c'est que M. Perrière avait reçu aussi un héritage de 100 000 $ qu'il a eu derrière moi. Dans les années suivantes, donc il a redépensé le même montant qu'assez fou dans son nez. Et, C'est ça, et il a dilapidé l'argent hein, dans le crack, là, c'est précisé dans Nouvelle Liste, en fait, en seulement 3 mois. Donc, 100 000 $ en 3 mois. Ouais. Faites le calcul, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. On parle de 1 000 $ par jour. Là. Exact. Non, c'est ça. Quand on donne des détails comme ça, $1 par jour. Des détails précis comme ça, on n'invente rien, c'est vraiment dans le journal. Vous pouvez consulter l'article. On n'a pas de détails de plus que ce qui est public, donc c'est comme ça. C'est le juge Jacques Lacourcière qui a conclu que les efforts récents, il l'a dit, il l'a précisé, il y a eu des efforts, il n'a pas fait assez d'efforts comme il aurait dû en faire depuis les dernières années. Et trop peu trop tard. Trop peu trop tard, mais pour se remettre sur pied, tu sais, commencer à peut-être reconstruire sa vie, il dit qu'il a mis des efforts, mais pas assez. Ces efforts-là, pour régler ses problèmes de toxicomanie, n'étaient pas suffisants pour lui permettre de purger une peine dans la collectivité. C'est pour ça qu'il lui a donné un 7 mois ferme, alors que son avocat, Bertrand Jacob... plaidait pour la collectivité. C'est ça, et ça n'a pas fonctionné. Présentement, il va poursuivre sa thérapie dans un centre de désintoxication de Sherbrooke. Voilà. Il était à son début, je pense qu'il disait qu'il avait commencé une nouvelle... Commencé, oui, c'est ça, exact, il l'a pas fini... Et voilà. Il avait plaidé coupable en mars. Coupable. Donc, allez voir l'article complet, entre autres, dans le Nouvelliste et dans les différents journaux de Trois-Rivières. Voilà. Oui. Je pense que ça va pas mal fermer le dossier. Oui, exactement. Et je suis content d'ailleurs parce que le dossier est finalement clos. Et ça datait, évidemment. Écoute, il a été congédié. T'es remercié de ses loyaux au service en janvier 2010. Hein? Mm-hmm. Donc, vois-tu, ça fait quand même 3 ans qu'on baigne là-dedans. Et puis, c'est assez, là, je pense. Oui, et les offenses, si on veut, ont lieu entre décembre 2008 et janvier 2010. Voilà. On retourne écouter du Diamond Rings avec la pièce I'm Just Me parce que, tu sais, Marc Perrin, c'est ce qu'il dit, hein, tu sais. Juste moi. Un bon gars, là. C'est ce que le juge a dit, il a l'air de c'est pas un délinquant qu'il dit. C'est pas un délinquant dans la vie en général. C'est juste un problème qui est arrivé comme ça. Donc, Diamond Rings. Puis après ça, on revient avec la chronique, c'est un fait. À son ajout. I'm no thing, just me. I'm just me, the diamond rings. Ah, son âge qui. Vous savez, le Super Bowl s'en vient. Oui, tout à fait. Super Bowl. Et on va parler un petit peu justement de football et du Super Bowl dans la chronique, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et as-tu le Super Bowl a lieu le 3 février prochain? Exact. Il fallait que j'aille voir sur Internet pour le savoir. Mais ouais, c'était début février. Ouais. Est-ce que tu sais qui a avancé? Je sais qu'il y avait un match important la semaine passée, en fait, semaine. Et les Falcons. Ouais, non, je me suis pas tenu à jour. Mais c'est même pas important de toute façon, parce qu'on va juste parler de football en général. Okay. En 1975, l'équipe de Seattle a choisi le nom Seahawks. Par rapport à d'autres noms qui avaient été donnés dans ce concours-là. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes de football qui ont été nommées à cause de concours. Je sais pas si vous saviez ça. Mais d'autres entrées pour l'équipe de Seattle étaient les Skippers, les Pioneers et les Lumberjacks. Les Lumberjacks. Il me semble que t'appelles ton équipe de football les Lumberjacks, les Bouffrons. Ouais. Pas bien classe, t'sais. Atlanta a aussi choisi son surnom, les Falcons, en 1965 avec un autre concours pour nommer l'équipe. Il y avait comme autre nom les Peaches. Les Pêches. Les Pêches. Je sais pas. Tu sais, on dit. Ça fait pas très. Taille de pêche, c'est un peu féminin. Pas dans le mauvais sens, mais il me semble. En tout cas. Les Confederates, OK? Et les Fireballs, les boules de feu, comme dans Mario. Tu sais, les boules de feu. C'est le fun. Les Mario, ce serait cool, ça cool quand même comme équipe. Sinon, tiens, un homme qui s'appelle Reed Hastings a été inspiré à démarrer le service Netflix, OK? Après avoir eu $40 de frais de retard sur sa copie VHS, sa vidéo cassette d'Apollo 40 13. $40. Apollo 13, OK? Apollo 13, tu sais, quand même. Mais là, c'est dit, là, ça fait. Ça va faire $40. Par exemple, hein? Ben oui, Netflix, pour vrai, tu paies en bas de $10 par mois, t'as le nombre de films que tu veux par mois sur ta console de jeux vidéo. Pas de retard, du tout. Et puis tu peux même aux États-Unis t'en faire livrer par la poste sur DVD. Tu vas voir les bonus et tout et tout. C'est cool. On va apprendre quelques mots dans la chronique aujourd'hui. Le mot turtle chez les Écossais, T-A-R-T-L-E. Turtle, ça veut dire hésiter lorsque tu présentes quelqu'un et que tu te souviens pas de son nom. Oh. Tu vas tarteler. Okay. Turtle. C'est fun quand même. Le mot gigil, G-I-G-I-L. G-I-G-I-L. Ouais, dans les Philippines. Ça veut dire avoir vraiment envie de pincer ou de squeezer quelque chose de trop mignon. Tu sais, genre, tu veux vraiment, tu sais, comme, non, tu veux serrer un petit chaton contre toi, le squeezer. C'est gigil ou gigil, je sais pas comment il prononce, G-I-G-I-L. Mais quand même, c'est avoir envie de pincer ou de squeezer quelque chose. En allemand, Fremdschamen, j'ai aucune idée si ça se prononce comme ça, F-R-E-M-D-S-C-H-A avec des titres M-E-N. Ça veut dire être gêné par les actions des autres. Mettons, je sais pas, le DG vole $100,000, je ça dans le nez. T'es gêné, Fremdschamen. Fremdschamen. Fremdschamen. Bon. Toujours en allemand, Kummerspeck. Kummerspeck, c'est un poids. Que tu as amassé, donc tu as pris du poids à cause de tes émotions. Donc tu as mangé tes émotions littéralement. Même que le mot Kummerspeck, ça veut dire grief bacon, donc genre du bacon de tristesse, genre. Tu sais, c'est quand tu te mets à manger, mettons, du bacon. Mais c'est pour ouvrir du bacon. toujours en allemand, Backpfeifengesicht. Backpfeifenartig. C'est presque. Presque. C'est une face qui a vraiment besoin d'un coup de poing. Tu sais, okay. T'as une face à fesser dedans, mais t'as une back. apparemment, on vit toujours à 80 millisecondes dans le passé. On vit à 80 millisecondes de temps dans le passé. Okay. Mais le temps que ça se rend dans notre cerveau... C'est exactement ça, pour que notre cerveau comprenne analyse. L'information. Analyse, processing, buffering. Ça. Buffering. parlant d'un baiser passionnel, c'est possible pour une personne de devenir temporairement sourde. J'imagine que c'est en aspirant l'air dans la bouche, tu sais, l'oreille qui est attachée à la bouche, tu sais, qui va faire que ça va bloquer ton oreille, tu vas devenir sourd. C'est possible. Très bien. Le nom original... ou d'origine pour le personnage de Disney, Hannah Montana. Okay. C'était supposé être Alexis Texas. Ah. Alexis Texas! Alexis Texas. Ça, ça fait des moins beaux sacs à dos. les gens plus intelligents ont tendance à faire des commentaires sarcastiques plus rapidement que les personnes qui ne sont pas aussi intelligentes. Tu sais, quand t'es rapide, ça gâche tes commentaires sarcastiques. Là, ben ça, dire, c'est un signe d'intelligence. C'est ça. Et les gens qui ne comprennent pas le sarcasme, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, des gens qui ne comprennent pas le sarcasme, c'est difficile des fois de gérer ces gens-là. Parce que tu fais une blague qui est clairement du sarcasme. Genre que tu me dis en blague qu'assemblage requis, c'est pas important, puis tu prends un congé de paternité la semaine prochaine. Genre. Moi, je vais dire, ben oui, c'est ça, c'est fin ça, assemblage requis, c'est quoi? C'est pas... t'aimes pas l'émission? C'est sarcastique, c'est pas vrai ça. Mais il y en a qui comprennent pas ça. Absolument. Ensuite, la radiation par téléphone cellulaire, ça peut causer de l'insomnie. OK? Ouais. Les gens qui utilisent leur téléphone avant de se coucher, typiquement, dorment moins. C'est mon cas, malheureusement. Je suis toujours sur l'iPhone avant de me coucher. Ah oh ouais? Tu fais pas ça? Non, en fait, je m'endors dans le divan. Est-ce que tu finis par aller te coucher dans la chambre? Ben oui, ben oui. Okay. Tout le temps, arrête. Non, sinon, pas, là. Sinon, ouais. Puis ça dure jamais très très longtemps sur le divan. Là. Je me réveille, je suis comme... Oh. T'as pas un divan confortable? Non, non, un divan très confortable, mais je sais pas, en fait, il y a rien qui... Rien qui bat mon lit, non? C'est ça. Mais donc, dormez pas avec votre téléphone ou encore continuez de faire comme vous le faites puis dormez moins. Mais c'est à cause des radiations ou c'est en fait l'excitement que tu peux avoir en jouant avec ton téléphone? Ça dit que c'est les radiations du téléphone qui causent l'insomnie selon l'article. Mais bon, c'est Internet. Hein. Ouais. Seulement 12% des gens peuvent résoudre cette énigme en dedans de 30 secondes. Okay? Donc, je vais te donner l'énigme et tu essaies de le trouver. Okay, faudrait quasiment que je l'écrive. Mais... C'est pas pour être fendant, je l'ai réussi. Okay? Okay. Pour vrai. Ouais, mais avoue, quand t'as voix, c'est comme moins pire. Peut-être. Donc, dis le contraire de chacun des mots que je vais te dire. Okay? Okay. Okay? Attention. Est-ce que j'ai un chronomètre? Non. Un chronomètre, c'est pas grave. On va compter dans notre temps. OK, je commence. OK. Il y en a beaucoup? Il y en a 6. OK. Toujours. Jamais. Venir. Venir s'en aller. Là. Deux. Deux. Deux. Deux. Deux. Ben, de. Ah, non? Oui, moi. Exactement. OK. Moi. Toi. Prendre. Donner. Et bas. Bas, Comme par en bas. En haut. Tu l'as eu. Bravo. Mais 12% des gens peuvent résoudre ça en dedans de 30 secondes. Je pense que tu l'as pas mal eu. On peut dire que tu l'as eu. Mais c'est deux qui m'a fourré. Oui, ben c'est ça. C'est deux. J'avoue. Deux. On dirait que deux tu penses jamais à un contrat. Ouais. Non, mais tu l'as eu. Bravo. Okay. Pour vrai. On est hot. Ah, je pensais que c'était... T'es. Si vous l'avez eu à la maison, félicitations. Vous êtes dans les 12%. Ah oui, appelez-nous. 89-376-583. On vous met un nom puis on vous en pose un autre. Tout de suite. Une personne sur quatre peut composer un message texte sans regarder son téléphone cellulaire. Oui, OK. Mais tu sais, une personne sur quatre a sûrement genre un BlackBerry ou un Android avec un clavier, je sais pas trop. Mais ça, en tout cas, moi, avec un iPhone, oublie ça. Là. Le clavier est tellement pas... C'est tellement pas des boutons, c'est tellement dans le vent. Ah, c'est ça, tu sais pas. Là. Aucune idée. Tu sais pas où tu pèses. Je regarde l'écran puis je me trompe. Fait que imagine ça le regarder. En 2013, celui-là, je crois que j'ai déjà fait, mais je le répète parce qu'il est bien le fun. En 2013, on peut réutiliser les calendriers des années 2002, 91, 85. Là, on précise pas 1900, mais ouais. 74, 63, 57, 46, 35, 29, 18, 7, 1 et 1895. OK. Si t'as un calendrier 1895, là, ressors ça du tiroir. C'est bien utile. Ensuite, la meilleure façon de savoir si t'as une mauvaise haleine en ce moment, si tu veux faire le test. Là. Sentir ta bouche? Si t'es capable. Avec ta main, là? Ouais, ça marche mal, on dirait. La forme que ta main doit prendre pour envoyer l'air dans ton nez. C'est sûr, et des fois, ça peut être ta main qui pue. Hein, fait, exactement. Faut pas te... C'est trompeur. C'est trompeur. Non, l'indice, la façon de faire, c'est de lécher ton poignet. OK. Tu lèches ton poignet, tu laisses ta salive sécher et tu sens ça. OK. Tu l'essayes pas? Laisse faire. Tu peux pas l'essayer? Ben non, là, je t'avoue. Écoute, tu veux que je l'essaye? Peux-tu l'essayer, Samy? C'est un peu dégueu, là. Un petit peu. Le pied moyen chez l'humain, environ... Oh. J'ai une superbe haleine. Superbe. Environ 20 000 glandes de sueur. Il peut produire environ une demi-tasse de sueur par jour. Le pied humain moyen peut produire... Une demi-tasse de sueur par jour. Dégalasse, hein? Quand même. Verse ça sur ton poignet pour savoir si tes pieds puent. Les larmes sont faites presque des mêmes ingrédients que l'urine. Hein? Bon, pourquoi pas, là? Le record du monde de limbo. Pas lingo avec Polo. Non, je sais. Ça m'impressionne, ça, du limbo. Est-ce que t'as vu celui-là? Non. Je t'invite à aller le voir sur assemblagerequis.com. C'est le record du monde de limbo. C'est une vidéo. Une vidéo. C'est moins de 6 pouces. Ah, c'est fou, là. Écoute, tu sais même pas comment est-ce qu'ils font pour passer. Ils se déboîtent les jambes, le gars. Oh, ouais, c'est hallucinant. C'est 5 pouces et 7 huitièmes. À 5 pouces, 7 huitièmes du sol. Et puis, c'est la surface sur laquelle il l'a fait, ce record-là, a rendu ça encore plus difficile, une surface dure, rugueuse. Et l'homme qui l'a fait, c'est encore plus impressionnant, a 55 ans. Allez voir la vidéo, c'est très impressionnant. On la jouera pas en nombre, mais c'est beau. Presque tous les Asiatiques ont une tache de naissance qui s'appelle un Mongolian Spot. Mongolian Spot. C'est ce qu'on appelle en anglais Blue Butt. Une tache de naissance bleue sur la fesse. Blue Butt. En tout cas, sont toutes sur les fesses? La plupart. C'est-à-dire presque tous les Asiatiques ont une tache de naissance comme celle-là. Eh ben. O.J. Simpson était supposé jouer le Terminator à la base, mais James Cameron ne voulait pas de lui parce qu'il pensait qu'il n'était pas crédible en tant que tueur. Malaise. En voilà un qui est de son bord, au moins, James Cameron. La personne moyenne va tomber endormie en dedans de 7 minutes. Je pense que je suis dans les 7 minutes. Ouais. Moins que ça, moi, je pense. Probablement. Je m'en rends même pas compte, c'est rapide. Les femmes ont une plus large vision périphérique que les hommes. OK. Ils voient plus loin, à gauche et à droite, celles qui portent pas de lunettes, parce que moi, je vois rien à gauche et à droite avec mes lunettes. Mais donc, en hommage aux femmes qui ont une bonne périphérie, voici Gwen Wedd et Périphérie. On vient avec plus de C'est un fait juste après. Thank you. La pièce Périphérie de Gwen Webb. C'est toujours amusant de ressortir une vieille pièce en lien avec un des faits qui avait lieu avant. On regarde encore une fois la vidéo du gars avec son moins de 6 pouces. Ah, c'est hallucinant. Là. De Limbo. Limbo, là. Et je suis pas capable, moi. Même moi, ça à 4 pieds, je suis pas capable. Non, mais c'est ça. C'est dur. On n'est pas assez flexible pour ça. Le ton gosse... dos est pas supposé. Mais en fait, ton dos est supposé rester droit. Mais c'est plus au niveau de tes hanches et tes genoux et tes jambes. Là. Tout a l'air à se passer pas mal là, mais... Moi, je pense le seul facteur pour ce gars-là, on dirait, parce que la façon qu'il se contorsionne, le seul facteur, c'est vraiment l'épaisseur de sa tête ou la largeur de sa tête. C'est pas mal tout ce qui va compter. Il va pouvoir se rendre jusque-là. Encore là, faut t'avancer. Mais il avance ses pieds comme un crabe. Voyons, non, ça part pas. Allez voir sur assemblagerequis.com, c'est bien, bien impressionnant. Pour vrai, ça c'est un talent, tu sais. Ah, c'est tout un talent. Gagner ta vie avec ça, un peu dur, peut-être. Dans un cirque. Ouais, peut-être. Je sais pas. Tu sais, la plupart des gens qui sont dans des cirques ont un talent, comme ça. Sauf les freaks. Sauf les freaks, qui ont un talent aussi. Mais... C'est un terme d'appréciation, d'ailleurs, pour moi, un freak. J'adore ça. Pour vrai. Toujours, c'est un fait. Toujours des choses véridiques, véritables et vérifiables, selon Internet. Tu vas passer environ 5 ans de ta vie à manger. OK. En tout, si on les additionne, 5 ans de ta vie. Ça vaut la peine. Pour toi, c'est peut-être plus, un peu. Merci, t'es fin. La coutaliaphobie. Coutaliaphobie. T'as peur de la coutellerie? Ben, proche de ça, oui. Des ustensiles. Une sorte d'ustensile, les cuillères. T'as peur des cuillères? Pas les cuillères. Liam Payne de One Direction, qui est notre prochain extrait musical, non? A peur des cuillères, apparemment. Par les cuillères. Harry Potter, l'expression Harry Potter est mentionnée 18 956 fois dans les livres d'Harry Potter. Oh, ouais. C'est de l'autoréférence. On dit beaucoup le mot, juste les mots Harry Potter. Le seul membre, vous saviez peut-être déjà celui-là, le seul membre du groupe ZZ Top qui n'a pas de barbe porte le nom de famille Beard. Ouais, c'est vrai, tu l'as déjà fait. Moi, je pense que oui. Mâcher de la gomme en pelant des oignons. Ça va t'empêcher de pleurer, ou ça peut t'empêcher de pleurer. Okay. Tu mâches de la gomme en même temps. Eh bien, ton cerveau fait d'autres choses. Bon. Aux États-Unis, en moyenne, il y a 2 cartes de crédit pour chaque personne aux États-Unis. 2 cartes de crédit par personne. Si on fait la moyenne, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Si la population du monde était réduite à exactement 100 personnes, 51 de ces personnes-là seraient des femmes, 49% seraient des hommes, 50% de l'argent appartiendrait à 6 personnes. Tu sais? Quand même, hein? Wow! Je serais certainement pas là-dedans. Aucune non. Le pouce de ta main est la même longueur que ton nez. J'ai un maudit gros pouce, tu sais. Pas mal ça. Oh, pas mal exactement ça. C'est quand même le fun à savoir. Comme on avait dit, c'est quoi l'autre affaire aussi que ton pied était de la même longueur que ton avant-bras? Ouais, exact. Exact. Et bon, ça fonctionne. Fonctionne très bien. Okay. En 1980, un hôpital a suspendu des gens qui y travaillaient parce qu'ils gageaient sur les patients qui allaient mourir. Et des infirmières ont même tué des patients pour essayer de gagner la gageure. Ben oui. Ah. Le seul endroit où tu peux te chatouiller toi-même, est-ce que tu sais où? J'aurais tendance à dire les pieds. Non, ton palais. Tu sais, chatouille-toi le palais avec ta langue, ça fonctionne tout de suite. C'est vrai. Tout de suite. J'aime bien ça. Un autre mot intéressant à connaître, Babel à vente, c'est quelqu'un qui fait des jokes plates, faibles. Babel à vente. T'es donc un Babel à vente? Ça dit mal, ça. Un petit peu. On parlait d'Arnold Schwarzenegger tantôt dans le Terminator. Là. Il a dit seulement 74 mots dans le film Le Terminator. Arnold. 74 mots! C'est pas un grand vocabulaire, ça. Non. Savais-tu que Scarlett Johansson... parce qu'apparemment qu'il faut dire Johansson. Tout le monde disait Johansson, fait que j'avais commencé à dire ça, mais apparemment c'est Johansson. Ashton Kutcher et Gisele Bündchen, la top model, ont tous des jumeaux ou jumelles. J'ai checké pour que Scarlett soit un gars, fait que ça, fallait pas voir. Okay. Quand même intéressant, j'aime ça. Keanu Reeves, l'acteur. Ouais. Keanu Reeves, son prénom se prononce en fait Keanu. Keanu. Keanu. Et non pas Keanu, comme tout le monde le prononce, c'est Keanu. Keanu. Et dans ses premiers films, il utilisait le nom Casey Reeves. Ah oui, Casey. Casey, sûrement Casey que c'est son deuxième. Casey à la Manopi. Oui, Casey and the Sunshine Band, t'as qu'à ça? Tim Allen, tu connais l'acteur Tim Allen? Ouais. Il a été trouvé coupable. En fait, il était dealer de drogue. Pour vrai? Et il a passé 28 mois en prison fédérale avant de devenir célèbre. Ah ouais. Non. Al Gore et Tommy Lee Jones, l'acteur et l'ancien vice-président, étaient colocs à l'université Harvard. Tommy Lee Jones et Al Gore. Drôle de duo. Sean Connery a porté une moumoute dans les films de James Bond qu'il a fait, juste un toupet qu'on appelle, tu sais, juste un genre de un petit truc sur la tête. Ouais. Parce qu'il commençait à devenir chauve à l'âge de 21 ans. À 21 ans, il a commencé à. C'est tôt quand même, perdre ses cheveux. C'est vraiment tôt. Et puis, finalement, est-ce que tu écoutais Fresh Prince of Bel-Air quand tu étais jeune? Fresh Prince, avec Will Smith, là? Non. Non. Mais bref, l'acteur qui jouait l'oncle Phil dans Fresh Prince of Bel-Air était aussi la voix de Shredder dans la série Teenage Mutant Ninja Turtles, tu sais? C'est lui, c'est Shredder. Ouais. Tu connais, il joue dans la pub. Ça. Ouais, ouais. C'était Uncle Phil dans Fresh Prince of Bel-Air. Ah. Mettez-vous la face quand vous entendrez Shredder. Voilà, pour cet un fait. Good. On a appris des choses. Oui, tout à fait. C'est la mission éducative de l'émission. On n'a pas le choix, là. C'est CRTC oblige. Exactement. Qu'est-ce qu'on ferait sans le CRTC pour nous imposer du contenu éducatif? Parlant de contenu éducatif, on va intégrer une nouvelle chronique sœur de cet un fait un peu. On va faire Arrête avec tes questions tantôt. Arrête avec tes questions, Matt. Mais pour l'instant, Peter. Ouh. Une version améliorée de la tristesse. Retour, on répond aux questions que vous vous posez de toute la gueule depuis des mois et des années. C'est Arrête avec tes questions à Assemblage Ricky. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Vous êtes à Fifou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Il est 7h45 minutes et François-Louis Marchand est toujours là. Mathieu Plante aussi. Mm-hmm. Et maintenant, ben, c'est, vous savez, le moment de notre nouvelle chronique du jour. Pendant tout le mois de janvier, c'est le janvier pic. Mm-hmm. Ou janvier épique. Hashtag janvier pic. Janvier pic, ouais. Sur Twitter, évidemment. Et donc, une nouveauté par jour, tous les jours pendant le mois de janvier jusqu'au 31. Évidemment, ça va mener vers la plus grande chose qu'on est supposé avoir le 31. Je t'avertis tout de suite. C'est gros, les affaires qui, se préparent la fin du mois. J'imagine. Gros. Donc maintenant, tu sais, c'est la nouveauté du jour, c'est la chronique Arrête avec tes questions. Arrête, hein. Et arrête avec tes questions, c'est la section de l'émission où je vous pose des questions et je les réponds moi-même. Hein? Bon, t'as peu ça? T'as peu ça. On commence avec la question. En fait, j'aurais peut-être pu te faire demander les questions toi-même. Hein? Pose-moi donc la question comme un enfant. Demande-moi, mais pourquoi est-ce que ça fait aussi mal quand on se coupe avec du papier? Je sais pas, mais ça fait mal en titi. Ouais. Je vais te répondre, mon petit. Pourquoi, Matt? Dis-moi les dons. Il y a plusieurs facteurs, évidemment. C'est surtout le papier et la peau. Hein? Le papier et la peau. Bon. Donc, quelle partie entre en contact le plus souvent avec du papier? C'est évidemment ta main. Hein? Et la main est un instrument sensoriel assez complexe. C'est rempli de fibres nerveuses qu'on appelle des nocicepteurs. Okay? Et ça ressent la température, la pression et la douleur. Et il y en a plus par pouce carré dans ta main et tes doigts que sur n'importe quelle autre partie de ton corps. Donc, les blessures qu'on se fait là sont plus remarquées que des blessures qui seraient similaires, meilleures sur ton corps. La même coupure de papier, si t'essayes, je t'invite à le faire d'ailleurs. Non. T'as coupé la rambe avec du papier, ça te fera pas aussi mal parce qu'il y a pas autant de récepteurs. Là. OK. Ça? Mais dans ma tête, couper avec du papier... Ça va faire mal, mais pas autant que sur ta main parce qu'il y a plus de récepteurs. Okay. Et évidemment, ce qui empire les choses, c'est que tu peux pas t'empêcher d'utiliser ta main pendant plusieurs jours après t'avoir coupé. Donc, si tu te sers de tes mains, c'est que la cicatrice, la fente que tu t'es fait va continuer de bouger, la peau va bouger là-dedans. Et, c'est plus long à guérir. Et évidemment, ça va être exposé à l'air et à un paquet d'autres affaires comme ça. Donc, ça aidera pas. Et... Non, oui. Là, on se demande aussi, ça m'amène à la question, comment ça fait que ça fait plus mal de se couper avec un papier qu'avec, mettons, un couteau? Okay? C'est parce qu'un couteau, même si sa lame est vraiment plus très affilée, c'est que la coupure va quand même être souvent très, très droite parce que le couteau est fait de façon à rester droit. Donc, si tu fais ta coupure droite, ça va être différent d'un papier qui va faire une courbure et qui va aller faire... Ça va aller comme... ça va faire comme genre un dommage assez différent au niveau microscopique. Sûr que tu le vois pas sur ta main, t'as l'impression que c'est une coupure droite, mais la coupure est quand même pas droite. Parce que c'est pas fait avec un couteau. Et aussi, ça, on ajoute le fait que le papier fait une plaie plus superficielle que les autres, par exemple un couteau, et ça va seulement saigner un tout petit peu ou encore pas du tout. Et donc, t'auras pas de caillot de sang qui va venir... par-dessus pour t'empêcher justement d'être touché par l'air et les autres débris de la nature. Donc, ça va faire que la douleur va durer plus longtemps parce que t'as pas de caillot de sang. C'est bon, hein? C'est bon. Bon, on remercie mentalfloss.com pour l'explication. Et on continue avec une autre question que tu vas me demander, François. Ben oui. Comment ça se fait que qu'une phrase compliquée à dire, on appelle ça un virlangue, et comment ça se fait que t'as de la misère à le dire, t'sais? On sait que t'as de la misère à dire des phrases comme des virlandes, tu sais. Si je te donne des exemples, par exemple, panier piano. Et là, on m'avait dit que c'était panier piano papier, je pense. Hein? Il y avait comme un troisième mot. Sais pas. Parce que juste avec les deux mots, c'est pas si pire. Panier piano, tu vois. c'est pas si pire. Sinon, là, on est dans le guide de l'animateur de C'est fou là. Exercice de diction annexe 2. Hein? Papier bleu, papier blanc. papier bleu, papier blanc, papier bleu. C'est pas pire. Non, mais 5 fois quand même. Il y a vraiment une différence entre les phrases qu'il faut dire 5 fois et les phrases qu'il faut dire 3 fois dans le guide. Hein. C'est vraiment très important les 3 fois. Jésus loge chez Zachée. Sachez que c'est chez Zachée que Jésus loge. Un ça, champ ça, de ça, j'ai de la misère. C'est difficile. C'est changer de la syllabe. Le Z et le J, ces affaires-là. Chasseur, chassez ce champ de ce châssis. Bon, bref, vous comprenez ce qu'est un vire-langue. Des fois, c'est difficile. Les premières fois, ça va aller, mais après ça, à un moment donné, ça commence à se compliquer un petit peu. Et les vire-langues sont presque universelles, ce qu'on appelle en anglais des tongue twisters. Presque chaque langue a ses propres phrases qui sont plus dures. Mais évidemment, pas les mêmes. Et les tongue twisters, donc en 1982, les chercheurs, c'était un mari et une femme, Ralph et Lynn Haber, ont fait une expérience avec des étudiants collégiens qui devaient lire en silence des phrases difficiles à dire, des phrases complexes. Donc, des phrases complexes, ce qu'on considère des vire-langues, et des pas vire-langues, juste des phrases complexes. Okay. Ils devaient les lire en silence et à voix haute. Ils ont appris que les étudiants prenaient plus de temps à lire en silence les vire-langues que les phrases normales. Même dans leur tête, pas à voix haute, là. Donc, si les vire-langues ralentissent les gens dans la vie, même quand ils les lisent en silence, ben la recherche montre, dans le fond, que c'est pas à cause que c'est à cause du cerveau et non pas à cause de la langue. C'est ce que ça veut dire. Et les gens sourds ont aussi des vire-langues dans leur langue. Il y a des vire-langues en Chine aussi où c'est des icônes, leur langue. C'est pas c'est des mots, là, mais c'est des icônes, non pas des lettres. Donc, les vire-langues, il y en a dans toutes les langues. Il y a aussi une expérience qui a été faite au Carnegie Mellon University où les gens lisaient en silence, encore une fois, des vire-langues et des phrases contrôle qu'on appelait à l'intérieur d'une machine qui scannait le cerveau. Donc, les scans du cerveau ont montré que les vire-langues ralentissaient les sujets et affectaient leur compréhension de la phrase et ils ont identifié des endroits du cerveau qui étaient activés pendant la lecture. Ces endroits-là, les endroits affectés, suggéraient que les vire-langues causaient des problèmes dans la planification, le contrôle et la représentation du discours interne. Donc, dans ton cerveau, c'est là que ça se passe. Ça crée un genre de bouchon de circulation phonologique, si on veut. OK. Ça bloque, là. Ça bloque dans le cerveau parce qu'il y a trop de lettres pareilles ou trop de trucs comme ça. Donc, c'est comme ça qu'un vire-langue se crée dans le cerveau. C'est un genre de bouchon de circulation. Intéressant. C'est bien. Vous regardez peut-être des dessins animés. Souvent, il va y avoir le mot Acme Corporation, A-C-M-E Corporation. Ça vient d'où? C'est d'où ça vient, ça? Donc, c'est le nom qui est utilisé dans plusieurs émissions, plusieurs bandes dessinées. Et c'est la grande compagnie mystérieuse qui crée tous les produits imaginables. On le reconnaît surtout dans les segments de Roadrunner, dans les Looney Tunes. Mais c'est aussi le nom de vraies entreprises. Okay. Dans la vraie vie, ils n'ont même pas changé de nom. C'est vraiment leur nom. Donc, ACME n'est pas un mot inventé. C'est pas un acronyme ACME, mais ça vient du grec ACME. A-K-M-E, c'est le plus haut point. A-K-M-E. Le point le plus élevé, le sommet. C'est comme un genre de zénith, de summum, de peak. Genre, c'est pour ça qu'on utilise le mot ACME. C'est tout le temps le meilleur de sa catégorie. OK. L'utilisation dans les dessins animés vient de la popularité du début des pages jaunes. Et d'autres répertoires de téléphone, évidemment. Donc, Chuck Jones, un animateur de dessin animé, un animateur et non pas un animateur de radio, scripteur et réalisateur des Looney Tunes pendant plus de 30 ans, l'a expliqué dans une entrevue en 2009 pour un documentaire Chuck Jones Memories of Childhood. Il dit, vu qu'on devait chercher notre propre divertissement quand on était jeune, ben on se créait des histoires. Et si tu voulais, tu voulais faire du tir à l'arc, ben tu trouvais un bâton. Si tu voulais conduire une orchestre, tu trouvais un bâton. C'est tout ce qu'il y avait dans le temps, des bâtons de bois. C'est ça. C'est vrai quand même, par exemple. Ben oui. Puis même nous autres, quand on était jeunes, ben je sais pas pour toi, là, mais tu sais, mettons... Un beatboquet. Ben c'est ça, peut-être pas, là, mais tu sais, quand tu jouais à la guerre, tu pognais un bâton. Puis... Bâton de bois. Ouais, c'est une mitraillette. La meilleure mitraillette du monde, en fait. Même dans notre génération. Ah, donc c'est ça, quand il pouvait pas aller acheter des affaires, t'sais. Donc quand il avait besoin d'appeler une épicerie, quand il jouait, quand il s'inventait des histoires, ben c'était la corporation ACME. Parce que dans les pages jaunes, quand tu regardais sous pharmacie, par exemple, pour, mettons, trouver un magasin, ben la première était tout le temps ACME Drugs, A-C-M-E. Parce que c'est le meilleur de sa catégorie et ça apparaît en premier dans les pages jaunes. Donc, c'est pour ça, ACME. C'est le sommet de tout ce que tu pouvais avoir, c'était ACME. Eh bien. Très bon à savoir. Et le Pôle Nord. Le Pôle Nord. La question est, parce que là, c'est encore la question, arrête, la chronique arrête avec tes questions. Hein. Le Pôle Nord, ben, il est quelle heure au Pôle Nord par rapport aux autres zones horaires? T'sais? Parce que le Pôle Nord, la plupart des endroits sur Terre mesurent leur heure par la longitude. OK? Donc, l'heure du jour est synchronisée avec la position du soleil dans le ciel. Okay? Mais c'est pas le cas au pôle Nord, parce que le soleil se lève et se couche une fois par année, là-bas. Okay? Ouais, c'est ça, c'est complètement fou. Là. C'est un point, le centre, tout rejoint le pôle Nord, toutes les zones horaires vont converger là. Et vu qu'il n'y a pas de présence humaine permanente là-bas, aucune zone horaire a été assignée au pôle Nord. Donc les expéditions polaires vont utiliser la zone horaire qui leur convient à eux, par exemple le Greenwich Mean Time, l'heure universelle, et, ou encore l'heure d'où ils ont commencé leur expédition. Donc, ça veut dire que si t'es au pôle Nord, dans le fond, il est l'heure que tu veux que ce soit. Ouais. Tu décides quelle heure il est. Là, il est 7h55 au pôle Nord parce qu'on est au Canada. On est au Canada. Voilà. Et ça a répondu à quoi? 4 questions? Oh, ouais, 4 bonnes questions. Écoute, ça valait la peine. Oh, ouais, tout à fait. C'est posé. Oh, ouais. C'est similaire à C'est un fait. Ouais. J'ai appris beaucoup sur les coupures de papier. C'est le fun. Faire attention. Les petits récepteurs, il y en a beaucoup dans la main, plus que partout ailleurs. Mais tu sais, t'essayeras, tu feras le test, coupe-toi, mettons sur le même nom. Ah non. Tu te coupes partout du pied, tu te coupes dans l'entregent. Non. Non? Non. Pas? J'essaie d'arrêter. Alors, on va faire arrête avec tes questions une fois de temps en temps ici à Assemblage Rocky. Pour l'instant, on écoute Crystal Castles. Ouh, voici Plague. Puis après ça, ben Michel Lebrun s'en vient ton dos. Parle de justice. Plague de Crystal Castle. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve dans quelques minutes. Et qu'est-ce qu'on a tantôt, François? Michel Lebrun, on parle de justice et de juridique ce matin. Oui, on va sûrement revenir un petit peu sur le cas de Marc Perrière tout à l'heure avec lui. Sinon, Anne-Julie Durocher va nous suggérer quelque chose dans son segment L'Index. On ne sait pas si c'est positif ou négatif. C'est quel doigt qu'elle va utiliser. On ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est l'info qu'on puisse rester là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Bon, donc, c'est toujours Assemblage Requis en ce mardi 15 janvier 2013. Il est François-Louis Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Ouais. Ouais. Coupable. Coupable ou non coupable? la question. C'est ça la bonne grosse question de la journée. Et justement, on va y répondre et à d'autres en plus. Ça tombe bien, on a comme notre expert là, avec nous là, aujourd'hui. Ça tombe bien que ce soit directement le lendemain de quand ça s'est passé, tout ça. Donc, accueillons-le. Voici Michel Lebrun et sa chronique Panier à salade. Bon matin, Michel Lebrun. Bon matin, Mathieu. Ça va? Comment oui, ça va? Bien, vous ce matin? Ça va très bien. On s'est vu hier, tu sais. Un lundi. Là. Ben oui, je voyais toute l'équipe de C'est Fou. J'ai dit, putain, c'est devenu une organisation criminelle. Je vous accuse de quelque chose. J'ai compris. C'était la cause de Marc Perrière, l'ancien DG. On en parlait en début d'émission tout à l'heure et on voulait un petit peu éclaircir certains points avec toi parce que c'est pas si évident que ça. Nous, on pensait que 7 mois ferme, qui est sa sentence qu'il y a eu, que c'était 7 mois en prison ferme comparé à 7 mois lousse. Il y a deux sortes de sentences de prison parce que avec les années, depuis les années 93-94 à peu près, il y a ce qu'on appelle, j'en ai déjà parlé un peu dans la chronique, ce qu'on appelle des peines de prison dans la collectivité. Donc, il y a deux sortes de prisons. Ce qu'on appelle la prison ferme, c'est-à-dire derrière les murs, derrière les barreaux, et les sentences de prison à être purgées dans la collectivité. On dit souvent que des gens, dans certaines circonstances, qui méritent l'emprisonnement, pourraient peut-être, ça coûte cher, emprisonner des gens. Mais c'est ça. C'est plus pour libérer, en fait, les prisons, je pense. Bien, c'est pour les libérer, mais aussi, on s'est rendu compte que pour certains types de clientèle, exemple, les jeunes, les toxicomanes, des gens qui ont des faiblesses, des gens qui sont pas qui ont pas des mentalités criminelles, puis je pense que ça a été l'objet du débat un petit peu dans cette cause-là. Il n'y avait pas de personnalité délinquante que le juge. Exactement. Que son problème était axé sur la toxicomanie. Et ça, dans certaines circonstances, on va dire, bien, envoyer cette personne-là en prison, là où la drogue veut pas... Faut pas se cacher la tête dans le sable. Et tout le monde sait que ça circule dans les prisons. Les gens qui ont ces problèmes-là de toxicomanie ne les règlent pas en prison. Se retrouvent un peu sous le joug de leurs fournisseurs dans des situations qui sont assez déplorables. Et souvent ressortent plus criminalisés ou même devenus criminalisés. Des gens qui peuvent rentrer en prison pour quelque chose qu'ils ont fait sans être des personnes vraiment criminalisées. Devenir des criminels. Tu crées un réseau de contact. Ben oui, puis t'es pas dans le meilleur des milieux. Et donc, c'est, je dirais, légitime d'envisager cette solution-là dans certains cas. Puis c'était aussi légitime, j'imagine, pour l'avocat de M. Perrière de le plaider. Parce qu'il se qualifiait, parce que ce que j'ai compris un peu de ce qui a été dit à la cour à ce moment-là, c'est que c'est une personne qui a un certain âge, qui n'avait pas d'antécédent criminel, qui avait son travail ici, puis qui tout à coup est tombé dans la cocaïne, l'enfer de la drogue. Et puis bon, il est allé jusqu'à... il a compromis l'avenir de la radio ici. Il a également reçu un héritage par après, puis il a fait la même chose avec cet héritage. Il l'a dilapidé alors qu'il aurait peut-être une chance de se remettre à flot ou de vous rembourser. Mais ça a probablement détruit sa vie. Et puis ça, c'est des disons, le fait de faire des efforts pour s'en sortir, ça milite un peu en faveur de donner une chance à quelqu'un puis de dire, ben, plutôt que de l'enfermer dans une prison, faisons-lui faire des travaux communautaires. C'est, la prison de la collectivité, c'est pas un cadeau non plus. Les gens... T'es pas libre chez vous, là. Ah non, ben, t'es détenu chez vous, en fait. Okay. Souvent, on va dire, ben, mettons que quelqu'un a des obligations familiales, a des enfants. On dit, est-ce que c'est mieux que cette personne-là paye sa sentence en s'occupant de ses enfants, en travaillant, en pouvant plus profiter de la vie autrement? On peut plus aller dans un restaurant, on peut plus... Est-ce que t'as un GPS sur toi, c'est ça? Est-ce que c'est l'affaire d'un GPS autour du pied? On n'est pas rendu là. Il y a une certaine technologie qui existe. Ouais. Pour les violeurs, entre autres. Oui, on s'en sert aux États-Unis. Au Canada, j'ai pas vu ça encore. Peut-être dans des provinces anglaises, il y a peut-être des entreprises qui vendent ce produit-là. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est pas... de leur mettre un bracelet, mais c'est de les vérifier de façon assez intense. On les appelle la nuit. Okay, pour savoir s'ils sont là. Ouais, et on va... surprise, là. Oui, oui, oui. Il faut que tu répondes. Il faut que tu répondes. Et puis ça, je veux dire, on a des multitudes de cas dans les tribunaux de gens qui sont accusés d'avoir brisé. Parce que si tu brises les conditions de ta collectivité, c'est comme si tu commences en libération conditionnelle et si tu ne respectes pas les lourdes obligations qui sont imposées, ben, tu vas finir ta sentence en prison. Ah, ben oui. Et les gens, souvent, vont dire... les tribunaux vont donner, par exemple, quelqu'un comme votre accusé, qui son avocat demandait 2 ans d'emprisonnement dans la collectivité. Souvent, on va faire une sentence plus longue dans la collectivité. Pour être quand même chez vous. Parce qu'on dit, bon, c'est pas la même chose que d'être enfermé dans une prison réellement, mais... Et on va imposer beaucoup d'obligations, que ce soit les couvre-feux, mais aussi le travail communautaire qui est assez important. Et puis, moi, je suis un peu partisan, en général, de ce type de sentence-là, parce que je me dis qu'un jeune, de l'envoyer travailler dans des organismes communautaires, de laver des planchers ou des choses comme ça... Mais c'est déjà un organisme communautaire, c'est fou, en passant. Ben, exactement. Mais c'est pour ça qu'il y aura plus communautaire, on s'entend. Ben, justement, il n'y a pas eu sa sentence de collectivité non plus. Et là, c'est tout un travail. Je pense que vous avez entendu le juge Jacques Lacourcière, qui était un ancien avocat de la Couronne, qui était avocat de la Défense également, qui rendait la sentence et qui disait... Il parlait aussi du travail délicat, de la difficulté de rendre une sentence. On peut pas faire plaisir à tout le monde. Ah, non, c'est sûr. C'est trop, c'est pas assez. Il a vraiment été déchiré pendant un bout de temps. Il se tarlait, il faut croire, là, parce qu'il disait les mêmes phrases plusieurs fois. Ça paraissait qu'il essayait de trouver genre le compromis. C'est pas facile pour un être humain d'envoyer d'autres êtres humains en prison. Ouais. Moi, je me suis déjà posé la question, si j'étais juge, est-ce que je trouvais ça difficile? Puis je pense que je trouvais ça excessivement difficile d'envoyer des gens en prison. Par contre, bon, il y a plusieurs valeurs qui rentrent en jeu et dans le cas, et je pense que le juge a bien perçu le cas en question. La personne dit, j'ai fait des efforts pour aider mon problème de toxicomanie. On voit que à la fin de tout ça, il y a eu des rechutes. Il a pas mis un grand effort. Il a dit, il a fait des efforts, mais pas assez. Exactement. Ouais. Et là, il arrive avec une thérapie à la toute fin, s'entend l'échéance arriver. Ouais, c'est ça, 2-3 ans là, que ça avait lieu sur le tard. Et je pense qu'il y avait un rapport présententiel et aussi, on a eu l'aide d'un agent de probation pour évaluer cette personne-là puis donner un rapport un peu indépendant qui n'est pas l'avocat de la défense, pas l'avocat de la couronne. Ouais. Ce sont des travailleurs sociaux, des psychologues. Et ils font un rapport et ils évaluent les chances de récidive. Qu'est-ce que cette personne-là a compris puis quel intérêt, quelle utilité ça peut avoir de l'envoyer en prison. Et le juge doit ajouter à ça... la dissuasion collective, parce qu'il sait que ce matin, ça va être dans le journal. Et quel message... Ça t'enlève le goût de le faire. Il voulait encourager aussi comment est-ce qu'on appelle de stoulage, la jambe? la dénonciation, voilà. Il voulait encourager ça. Il voulait qu'on voit que quand ça arrive dans une compagnie, il faut le dénoncer. Oui, effectivement. Puis dans des cas de fraude, je dois vous dire que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fraudes qui ne sont jamais... C'est vrai, c'est caché. C'est vrai. Lesquelles on fait jamais... Et les organismes non lucratifs aussi. Souvent, se disent, écoute, on n'a pas les moyens, un peu comme dans des cas, on parle souvent des agressions sexuelles, les victimes se sentent coupables. On se dit, bon, j'ai pas fait assez de vérification. Est-ce que ma comptabilité était correcte? Est-ce que moi, ça va me rejoindre à quelque part? Est-ce que... quelle image ça va donner de notre entreprise, par exemple? Il y a beaucoup d'entreprises qui disent, bon, ben, qui veulent avoir une image de sérieux, de rigueur et tout ça. Et lorsque ils sont victimes de fraude, ils préfèrent congédier la personne puis régler... Sans trop faire de vagues. Et pour pas que leur image... Pour qu'ils disent, écoutez, vous êtes pas bon, vous avez... engagé quelqu'un que... C'est ça, puis vous sans vérifier. Et même, moi-même, j'ai déjà été... on a déjà été victime moi-même un peu d'avocat. Cabinet d'avocat? Oui. Oh ouais? On a tendance à se dire est-ce que j'ai encouragé ça? Est-ce que j'ai fait assez de vérifications, ces choses-là? Puis en laissant des personnes à elles-mêmes, des fois, j'imagine qu'ici, vous avez fait le même processus, pas de vous culpabiliser, mais de vous dire, il va falloir être plus rigoureux ou peut-être que l'administration doit mieux surveiller ses employés ou ces choses-là. C'est sûr que ça t'amène à poser des questions. Mais c'est pas pour déculpabiliser la personne qui a commis l'infraction. Mais... Donc, c'est tout un travail difficile à faire et j'imagine que vous, à titre de victime, il n'y a jamais de sentence suffisante. Hein? On voudrait que ces personnes-là restent en prison jusqu'à la fin de leur jour. Surtout qu'on pensait que c'était 7 mois total. 7 mois ferme. Alors, et là, il y a peut-être un peu de confusion autour de l'expression « prison ferme ». Prison ferme, ça veut dire en prison. Lorsque tu arrives en prison, ben il y a tout un processus de... une peine à spurge, tout d'abord en prison, mais on n'est pas enfermé dans une cage non plus pendant 7 mois. Et il y a ce qu'on appelle les libérations conditionnelles. Et il y a un autre principe qu'on appelle le bon temps, là, un certain crédit de peine qui fait en sorte que des personnes, à moins de très grandes exceptions ou de dangerosité extrême, purgent généralement le maximum qu'ils vont purger, c'est le 2/3 de leur peine. Donc, on a un crédit de une journée à chaque 2 jours qu'on a fait sans commettre d'infraction ou sans en respectant les règles. Par contre, ça aussi, les libérations conditionnelles, ça, généralement, on devient éligible aux libérations conditionnelles à partir du tiers. Au tiers, on se présente devant un genre de tribunal. Un comité. La commission des libérations conditionnelles. Et ces personnes-là évaluent notre projet de sortie. Puis, si ce projet-là est acceptable, là, ils peuvent nous permettre d'entreprendre quelque chose, de travailler à l'extérieur. Et là, on va être dirigé souvent vers ce qu'on appelle des maisons de transition. C'est pas une libération totale. On couche... Il n'y a pas de barreau, mais la personne doit revenir, puis elle est comme dans une peine d'emprisonnement. Et ça permet de réinsérer la personne dans la société et de la suivre un peu. Lorsqu'on parle de courte peine d'emprisonnement ou de peine comme 7 mois, parce que c'est considéré comme une peine qui n'est pas si longue que ça. Par contre, si on prend quelqu'un et on le garde en prison 2, 3, 4 ans et qu'on le garde derrière les barreaux et la dernière journée, on l'envoie dans la rue, je suis pas sûr que cette personne-là et même n'importe qui aurait même pas commis de crime va être complètement désorienté quand on va retomber dans la société. Moi, je préfère que les libérations conditionnelles. Je pense que ça protège aussi la société parce que ça permet souvent les gens... font une tentative de libération conditionnelle. S'ils rechutent, par exemple, en matière de consommation, ils sont testés pour les drogues, les alcools et tout ça. Okay. S'ils font une rechute, ils sont révoqués. Puis là, on essaie de voir où est le problème puis de travailler sur ces personnes-là. Parce que tôt ou tard, à moins d'avoir commis un meurtre, ces personnes-là vont retourner dans la société. Oui. Puis on peut pas garder tout le monde tout le temps mais justement, en prison. Si, disons, parce que là, on rappelle qu'on parle de Marc Perrault, l'ancien DG de la radio, pour ceux qui suivent pas l'histoire depuis le début et qui sont tout mêlés dans ce qu'on dit. Si, mettons, il récidive, c'est ça? Oui. Il commet une récidive. Qui recommet le même genre de crime ailleurs, le maximum qu'il pourrait avoir serait de 14 ans, selon ce que j'entends. En fait, ça a toujours été 14 ans le maximum. Toujours 14 ans le maximum. Je vais vous donner un exemple. Vincent Lacroix, qui s'en est bien tiré. Du même crime que... dans le code criminel, c'est la même accusation. Lui, c'est des millions, mais c'est le même... Lui, c'est parti plus que... c'est pas loin de 100 millions. Ouais. Il n'y avait pas d'antécédent criminel. Non. Et sa sentence a été à peu près ça, 14 ans. Là. Il y a eu pas mal de maximum, il me semble. Ou en tout cas, quelque chose qui s'approchait du maximum. S'il récidive, il n'y aura pas automatiquement 14 ans. S'il fait une fraude de 200 $, il peut faire une deuxième infraction qui serait une fraude beaucoup moins, qui n'aurait pas de conséquences. Il va falloir encore une fois évaluer sa situation au moment où il commettrait cette récidive-là. Si, par exemple, il y avait une autre chute, puis après ça, il devenait un genre de saint, puis après ça, il rembourse tout le monde, puis après ça, il fait des conférences partout pour expliquer. Peut-être qu'il pourrait avoir plus de clémence la deuxième fois que la première. C'est pas impossible. Mais disons qu'en général, on va avoir tendance à aggraver des sentences. Ouais, si on dit, si tu n'as pas appris le premier coup, si tu n'as pas appris la première fois, tu vas avoir plus la deuxième fois. Et logique. Ça, c'est le principe de gradation des peines, qui est le principe général. Mais des fois, il y a eu des gens qui sont arrivés... Des circonstances atténuantes. Il y a eu des cas... il faut vraiment individualiser la peine. Et je pense que le juge en parlait hier. Oui. Il n'y a pas deux personnes identiques. C'est le cas de Marc Perrault et non pas le cas de n'importe qui aurait fait la même chose. On a vu des gens qui se sont évadés, par exemple, qui ont commis un crime grave et qui étaient en prison, qui se sont évadés, puis qui ont reconstruit leur vie complètement de façon illégale, sous un faux nom et tout ça. Et lorsqu'on retrouve ces personnes-là plusieurs années plus tard, on ne sait plus quoi, trop quoi faire avec, parce que c'est des gens qui sont complètement réhabilités. Et c'est des cas avec lesquels on fait des films des fois, mais il y a des cas réels. Et ça met en cause une multitude de valeurs et on met tout ça sur la table du juge et le juge doit digérer ça et rendre quelque chose qui va essayer de satisfaire tout le monde et l'intérêt aussi de la société et le message que ça envoie et le de la dénonciation c'est pas uniquement de que les gens qui ont connaissance de ces crimes-là les dénoncent, mais c'est de dénoncer publiquement ce type d'infraction-là pour que les gens qui auraient l'idée de commettre ces crimes-là... C'est pour dire au public, si je vole 100 000 $ je vais juste faire un mois et demi de prison. Ça te donne envie de le faire pour certains, ça. Parfois, même, dans certains cas, ça va être la seule raison pour laquelle on envoie quelqu'un en prison. Ouais. On dit, cette personne-là, c'est une bonne personne, elle est réhabilitée, elle recommencera plus. On n'est pas obligé de protéger la société de cette personne-là. Mais le juge, dans certaines circonstances... Faut que t'envoies un message. Dit, bon, faut que j'envoie un message et je prends cette personne-là et je l'envoie en prison. Moi, ce que je dénonce souvent, c'est que, exemple, législateur, le code criminel soit amendé pour forcer les juges à envoyer des catégories de personnes en prison alors et enlever la possibilité à un juge d'individualiser ces peines-là. La sentence. Ouais. Même pour le crime que cette personne-là a commis à votre égard, s'il vous avait remboursé, s'il avait fait montrer patte blanche, peut-être que vous auriez été les premiers à dire, écoutez, essayez de trouver une autre alternative, donnez-lui des travaux communautaires parce que cette personne-là, il a fait un homme de lui, là, ce qui n'est pas le cas. Vraiment pas. Pas le cas. Non, c'est ça. Et puis... Mais il reste aussi, puis ça, il faut quand même pas ruminer la vengeance toute notre vie non plus. Il faut passer à autre chose. En tant que victime, je pense que ça va de soi, et sinon, on se détruit là-dedans. Puis de se dire, regardez cette personne-là, là, sa sentence, c'est pas juste qu'il est en prison ce matin. Puis être en prison, c'est pas rien. Je sais pas si vous avez déjà passé une journée ou deux en prison. Non, mais écoute, j'essaie d'arrêter. Ouais, moi, personnellement, j'y vais souvent. Mais tu, vous seriez étonné du nombre de personnes qui veulent sortir. Même des gens qui... qui veulent sortir, oui. Mais même des gens qui en ont eu des sentences, des gens qui ont été lourdement criminalisés à certaines époques de leur vie, qui vont nous dire, quasiment en pleurant, là, qu'ils veulent plus faire de prison. Et une journée en prison, là, c'est un traumatisme, là, je vous dirais. Mais ça brasse, moi. Ben, écoutez, c'est pas la question que ça brasse. C'est qu'on veut pas être là. Moi, personnellement, je suis un peu claustrophobe, puis... Je peux ça pas m'imaginer. Je me réveille la nuit à penser de me voir dans une pièce avec des barreaux dont je peux pas sortir. Ça me dissuade en soi de commettre un crime. Mais l'expérience d'être associé. Bon, les gens qui sont en prison, c'est pas nécessairement un gars comme une personne comme votre ancien directeur général. C'est pas quelqu'un qui côtoie le type de personne dans la vie de tous les jours qui se retrouve en prison, à part le fait qu'il était peut-être toxicomane. Là. Et donc, il va se retrouver avec des personnes qui sont, par définition, dangereux, des gens qui ont été envoyés là pour protéger la société. Passer un mois, deux mois, trois mois, moi, je trouvais ça excessivement long. Ça a sûrement l'air plus long dans ta tête que dans la vraie vie, moi. C'est ça. Puis, quand c'est pas ton milieu et tout ça, faut pas négliger l'impact de ces deux, trois mois-là que cette personne-là va faire. Deuxièmement, quand on regarde cette personne-là, est-ce que vous voudriez être cette personne-là? La sentence, il a son visage dans le journal aujourd'hui. Oui. Sa réputation dans sa ville où il demeurait à l'époque, où il y avait un certain statut. Ici, il était à l'université, c'était le directeur de C'est fou. C'était une grosse légume comme toi, François-Olivier. C'est un big shot. C'est ça. Il était toujours bien sapé. Et puis, là, maintenant, il se retrouve... Tu te retrouves plus rien, là. Plus rien. C'est fini. Il vit à Montréal maintenant, je pense. Oui, dernière nouvelle, c'était là. En fait, la dernière adresse connue. Il est sur l'aide sociale. À l'âge où il est rendu, c'est pas un jeune non plus qui va pouvoir. Il y avait une copine. En fait, là, je pense que c'est plus le cas. Elle était pas là hier, en tout cas. Elle était pas là hier. Ouais, en tout cas, ça doit être dur pour une relation de couple, là, d'avouer d'avoir commis ça. Bon, d'être toxicomane à ce niveau-là, parce qu'il a absorbé des quantités, en tout cas d'argent assez importantes. Assez phénoménal. Oui, et puis il y a tout ça aussi qui fait partie de la sentence. On dit souvent la publicité accordée un dossier comme celui-là, où on appelle ça des stigmates. La personne est stigmatisée à vie. Comme Jésus. Et tu tapes son nom sur Google, en fait, et ça sort. Ben oui. Et si autrefois, avec l'information qui circulait un peu moins, on fait se cacher de changer de ville, changer de pays, maintenant, c'est pas pour faire, changer c'est de dur, nom et changer de face aussi, parce que... En Amérique latine, Marco Periari. Ouais, il peut peut-être... Un danseur de tango. J'imagine tellement. Peut-être qu'il se pratique actuellement. Mais oui. Je viens de la comprendre. C'est quand même pas... remarquez que les fraudeurs, c'est une catégorie de criminels en particulier. Je ne sais pas si ce monsieur-là, je ne le connais pas, si c'était un beau parleur ou s'il y avait une capacité à bobiner son entourage. Mais on est toujours surpris de voir ces gens-là se recycler des fois. Quelqu'un qui est viscéralement un fraudeur, je ne vous dis pas que c'est le cas de ce monsieur-là, mais... on en a vu se réinventer dans d'autres... d'autres domaines ou d'autres raquettes. Ouais. C'est étonnant ce que l'imagination humaine peut... Il y a le temps de ruminer en prison. Ah oui, puis peut-être... Et c'est là le danger, de se faire des amis, ben, se trouver... Le juge disait qu'il n'y avait pas d'amis, il va s'en faire. Oui, effectivement. En tout cas, je ne souhaite pas, mais c'est peut-être ça qui va arriver. Ouais. Et... la prison, oui. En tout cas, s'il y a une chose qui peut peut-être, je vous disais, c'est une drôle de chose, parce que hier, il y a un jugement qui est sorti en Ontario, c'est les dirigeants de Nortel, qui est une compagnie qui a connu une fin assez abrupte, qui a fait faillite il y a quelques années, et qui était... valait des milliards au début des années 2000, dans ce qu'on appelle, lors de l'époque qu'on appelait la bulle technologique. Oui. Tous les titres qui étaient technologiques. En l'an 2000, tu sais, proche de ça. Oui, c'est ça. Et cette entreprise-là comptait 20 000 employés. Et lorsqu'elle a fait faillite il y a quelques années, les actifs de la vente de tous ces actifs-là étaient de 9 milliards. Et les dettes étaient de 36 milliards. Donc, il reste le 9 milliards à séparer à travers tous ceux à qui ils doivent de l'argent. Et les 20 000 employés qui ont perdu le fonds de pension, qui vivent... Qui ont tout perdu. Qui ont vraiment tout perdu, appuyaient évidemment la poursuite criminelle qui avait été intentée contre des dirigeants de Nortel. Parce que ce qui s'est passé dans Nortel, c'est que la bulle a un peu explosé au début des années 2000. Donc, Nortel, c'est une compagnie qui faisait les gros téléphones noirs à roulettes, là, que je ne sais pas que vous aviez, si vous avez connu ça. Vos grands-parents avaient ça, en tout cas, vous en avez encore un chez nous, puis il fonctionne encore. Et cette compagnie-là n'a jamais été plus profitable qu'à l'époque où on faisait ces gros téléphones noirs-là, parce que tout le monde en avait un. Il y avait une compagnie qui les faisait. Bell Canada les louait, je pense, 7-8 piastres par mois. C'est encore le téléphone de l'université, les Nortel Networks, non? Ça ne dit pas Nortel Networks, boîte vocale, truc, non? C'est pas ça? Parce que oui, c'est une compagnie qui s'appelait Norton Telecom au début. Okay. Et qui fabriquait, comme je vous dis, des gros téléphones. Et puis j'ai dévissé le mien. D'ailleurs, j'ai mis la photo sur Facebook quand j'avais, juste pour voir un peu quel genre de technologie ça peut être. Et c'est vraiment assez rudimentaire comparativement à vos iPhones. Ouais, tu mets ton iPhone à côté ou tu peux aller sur Internet. Ouais. Sauf que le mien, je l'ai acheté en 1988 et puis il marche encore. Ouais, c'est ça. Et iPhone, la batterie après 2 ans, oublie ça. Ouais, ben c'est ça. Mon iPhone commence déjà à avoir des ratés. Et puis, il signale encore. J'ai encore une ligne à Pulse. Là. Pas Touchstone, l'autre. Ouais, c'est Pulse, ça. Et Nortel Telecom, c'était une compagnie, une machine qui imprimait de l'argent. Et lorsqu'est arrivé un peu le développement de l'informatique, ils ont commencé à se développer dans les réseaux informatiques et à vouloir se réinventer dans les téléphones numériques et toutes ces choses-là. Et là, l'action a explosé. Ça valait, je pense, 200-300 piastres, des actions qui en valaient une vingtaine, peut-être un an avant. Et là, tout le monde pensait devenir très riche avec ça. Tous les analystes financiers qu'on voit dans les journaux disaient que les journaux ne parlaient que de Nortel, comment c'était bon. Et là, lorsque la bulle technologique a pété, l'action a subitement tombé jusqu'à 2 $. Et là, les dirigeants de Nortel... Tu l'as payé 3 cents, puis t'en reviens à 2 piastres. Ouais, et là, déjà, c'était déjà un gros un coup dur pour des milliers, peut-être même des millions d'investisseurs au Canada, puis des gens qui perdent tout, qui perdent le fonds de pension, tout ça. Et là, c'était pas encore la fraude. C'est que les dirigeants de Nortel, à ce moment-là, ont été accusés d'avoir falsifié les états financiers pour que, à la fin d'un exercice financier, les résultats apparaissent mieux qu'ils étaient. Et ça a été fait. Et ils étaient faux. Ils étaient pas exacts. Et l'action a monté à 8 $. Et en montant à 8 $, ça leur a permis d'encaisser des bonus assez faramineux. Tout le président et un peu les dirigeants de Nortel, ils ont encaissé des millions en bonus, alors que l'action avait déjà planté. Elle a eu comme un genre de petit sursaut d'énergie qui leur a permis de se voter des bonus faramineux. Et par la suite, ça a été démontré que ces chiffres-là valaient rien. Et là, l'action a planté définitivement et la compagnie a fait faillite. Et je connais pas ce dossier-là, je l'ai pas suivi de près, mais hier, les quatre dirigeants, après un long procès, ont été tous acquittés. Le juge disait qu'il n'y avait pas la certitude que ces gens-là avaient été au courant de du fait que c'était falsifié. C'était falsifié, ils ont encaissé des gros montants, mais et tout le monde a tout perdu, mais il manquait la preuve que ça a été fait de façon intentionnelle. Et c'était qui? Qui l'a fait? Ben, c'est ça. Là, tout le monde s'est lancé la balle. D'après ce que j'ai compris au procès, bon, c'est le comptable qui s'est trompé. Tout le monde s'est trompé, okay, mais finalement, on s'est retrouvé avec des millions dans nos poches. Et ça faisait notre affaire. Nos 20 000 employés ont tout perdu. On s'est perdu, eux autres. Et maintenant, il reste à séparer 9 milliards pour 36 milliards de dettes. Et donc, je ne verrai pas grand-chose. Peut-être que M. Périard. Il lit son journal ce matin. Peut-être qu'il avale de travers. Peut-être qu'il... En prison, il y a un journal? Hein? Ouais, en prison, il y a un journal? Je pense que oui. Ouais? Je pense que oui. Ils regardent la TV toute la journée. Pis tout ça. Ils vont vont peut-être me voir. Parce que tu fais pas le ménage puis tu payes rien? Quoi? Ah, ben peut-être la belle vie. Je sais pas comment ils payent leur câble. C'est une question que j'avais, ça. Parenthèse, comme si on avait l'année pour faire les parenthèses. Prison de Trois-Rivières, est-ce que c'est si pas si pire que ça? Parce qu'on entend la rumeur que la prison de Trois-Rivières, c'est comme moins pire qu'ailleurs. Prison, ça reste une prison. Ouais. J'ai pas expérimenté le confort des lits de chacune des prisons. Je me suis pas rendu là. Je suis plutôt un visiteur. Mais selon les rumeurs. Les gens qui sont incarcérés dans chacune des prisons, c'est pas mal les mêmes, puis ça circule d'une prison à l'autre. Il y a certaines prisons qui sont plus vieilles. La prison de Bordeaux, par exemple, où je vais à l'occasion, c'est une prison qui date des années 1900, puis c'est un peu lugubre comme atmosphère, par opposition à Trois-Rivières, qui a été construite en à peu près 1988, parce que si vous allez à la vieille prison à Trois-Rivières, celle qui est à côté du Palais de Justice. Qu'on peut visiter. Là, ben oui, c'est collé sur le musée. Là. Cette prison-là a servi jusqu'en 88-89. Et à l'époque, les gens, c'est des conditions qui étaient absolument, en tout cas, je dirais, un peu affreuses pour des détenus. Il n'y avait pas de toilettes, c'était des chaudières, des choses comme ça. Ça ressemblait, c'était presque moyen-âgeux comme condition. Donc, la prison de Trois-Rivières, c'est une des plus récentes. À l'époque, elle avait été peinturée, les murs avaient été peinturés en rose. Et puis, un peu la rumeur... ils vont virer fous. Hein? Faites pas ça, ils vont virer fous. À partir de théories psychologiques, ils disaient que ça avait pour effet d'apaiser calmant. Les gens, mais bon, que c'était calmant. Et c'est un peu à cause de ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'a été expliqué, qu'on avait baptisé la prison de Trois-Rivières le village de Nathalie, qui était, à l'époque, une émission là, de Nathalie Simard. Ouais, ouais. Là, bon. Et puis, une émission pour enfants. Cette expression-là est restée. J'entends encore ça chez des gens qui disent « Est-ce que je vais aller au village de Nathalie? » Des choses comme ça. Mais est-ce que c'est une prison où c'est plus facile d'être incarcéré? Moi, je crois pas. La facilité ou pas dépend de la clientèle avec qui on se retrouve. Puis l'angoisse, c'est pas à cause de la couleur des murs là, qu'on vit bien. Ça serait juste ça, hein? Bon, ils ont la TV, oui. Ils ont certaines facilités au niveau sportif. J'ai déjà vu une équipe de softball sortir de la prison. Puis j'avais appris qu'ils pouvaient jouer au softball l'été dehors. Bon. On incarcère une prison. Il y a deux sortes de prisons. Il y a des prisons fédérales qui sont pour les peines de 2 ans et plus. Comme Bordeaux? Non. Bordeaux, c'est une prison provinciale. Oh? La prison, ce qu'on appelle du pénitencier, c'est des peines de plus de 2 ans et plus. Les peines de moins de 2 ans, donc on dit souvent 2 ans moins un jour, sont purgées dans des prisons provinciales. Mais la prison provinciale héberge aussi les gens qui sont en attente de procès. Okay. Donc, tous les gens qui sont en attente de procès pour des meurtres, Des agressions sexuelles ou des choses très graves, parce que s'ils sont détenus en attente de procès, parce qu'ils sont accusés d'un crime grave et qu'ils sont dangereux, ben ces gens-là sont dans des prisons provinciales en attendant leur peine. Fait que, se retrouver en prison à Trois-Rivières ou n'importe où, c'est côtoyer un peu toutes ces populations-là. Je pense pas. C'est sûr que c'est pas comme dans des films de prison qu'on voit Midnight Express, là, mais... C'est pas comme un lockdown, genre en Canada, où les émissions de prison où les gens sont vraiment très, très violents. C'est bon, ces émissions-là. Ouais, c'est ça, mais c'est pas un milieu très recommandable. Et les gens criminalisés, ce qu'on entend souvent, c'est qu'il y a des gens qui ont des récidivistes, c'est ça, qui finissent par se connaître et avoir connaître beaucoup de monde en prison. Donc, ces personnes-là sont peut-être... savent un peu comment fonctionner dans ce milieu-là. Mais pour des gens comme vous et moi qui arrivent là, ouais, c'est ça, tu sais pas comment ça fonctionne. C'est pas assez à bonne place. Hein. C'est sûrement dissuasif. En tout cas, si quelqu'un recommence après être allé une fois, on peut comprendre que c'est une personne qui a une mentalité criminelle, contrairement à ce que certains juges peuvent dire. Délinquant, exactement. Hey, je m'excuse d'avoir fait dérailler la chronique en posant la question d'une prison. Est-ce que tu te rappelles, t'étais rendu où? Est-ce que tu avais terminé? J'ai terminé. D'accord. Merci, Michel Lebrun. Ouais, merci plaisir. Beaucoup. On avait tellement de questions aujourd'hui, ça valait la peine. Ah oh, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, Michel Lebrun, sa chronique Panier à salade, c'est mardi prochain à 8h. Voilà. On prend une pause, on vient avec Anne-Julie Durocher, François? Ben oui, certainement. Prépare ton coin d'épaule. Oui, j'allais dire ton épaule parce que c'est plus là qu'elle te frappe avec son index le temps, à chaque fois. En tout cas, à ce que j'ai vu, à mon expérience. De l'assemblage requis, restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Stéphanie Paradis soulignera les joies d'une chambre d'hôtel dans sa nouvelle chronique Les Petits Bonheurs. David Ferron sera de retour pour nous faire écouter de la musique francophone avec la langue dans ton oreille. Et Annabelle Maton viendra nous parler du deuxième point G dans son segment Coquin, je t'aime moi non plus. C'est demain, 7h. Tu vas être là? Tu vas être là, François? Ben oui, certain. Le deuxième, quand même. Pas un, pas trois, non, pas non, non. Deux. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu Plante. François, Olivier Marchand. Il était pas sur le beat. Toing, toing, avec son index sur le pôle de François. Toing, toing, toing. Mais c'était juste pour le déranger le plus possible. Pendant le plus longtemps possible, parce que sa chanson, elle continue. Tu peux continuer, le gars, le beat continue. C'est beau à voir. OK, t'arrêtes tout de suite. T'as pas assez de graisse sur le bras, c'est pour ça que ça te fait mal. C'est comme un petit doigt. Hey, t'as raison, c'est des muscles que j'ai. Non, t'as pas plus de muscles. Il t'offrait pas long en prison, ce gars-là. Non. C'est l'index. Jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt un index qui réveille une toute petite voix. Ne joue pas dans son nez, c'est pas poli. Mais je l'ai pas fait, c'est lui qui voulait que je le fasse. Ah, c'est ça, ben, elle était proche. Alors, vas-y, trempez. Trempez. Viens dans ma trempette. Vas-y. Voilà. Donc, Anne-Julie Durocher qui arrive tout droit comme ça pour la première chronique, l'index de la session. Ça fait longtemps qu'on t'a pas revu. Ça fait quoi, 3 semaines? Ah, au moins, là, parce que même décembre... T'es pas là, ben. Oui, c'est ça, tu sais, fin de session, je suis pas venue souvent. Puis alors, passe très vite quand on te voit pas. Moi, je vais prendre ça comme un compliment, même si je suis pas certaine que c'en était un. Hey. Tu vas avoir 5 semaines sans François, on va en parler plus tard. Mais écoute, hey, juste avant que tu commences ta chronique, en fait, j'aimerais te féliciter pour ton l'implication. Ton implication, exactement. En fait, Anne-Julie va se faire raser les cheveux. Oui. Pour Leucan, en fait, Mauricie, j'imagine. Oui, ben en fait, là, c'est dans le cadre du carnaval, là, mais oui, c'est Leucan Mauricie, Centre du Québec. Objectif, 1 500 $. Oui. T'en plais ça. T'as déjà monté pas mal, t'as déjà un bon montant. 175 heures. Ça va, moins de 24 heures, là, mais... Et c'est ça, en fait, t'auras plus de cheveux sur le coco. Non, j'aurai plus de cheveux sur le coco. En fait, je vais donner mes cheveux pour qu'on puisse faire une perruque avec mes cheveux. C'est tellement génial comme de faire ça. Je veux dire, j'admire énormément les gens qui font ça. Ça va être la deuxième chroniqueuse de l'émission qui se fait raser les cheveux. Gabrielle l'avait fait. Gabrielle, exactement. Il y a quelques... Gabrielle, comment qu'elle s'appelle? De grâce, merci. Exactement. Ouais. Tout à fait. J'avais un blanc aussi. Elle a fait deux chroniques, fait, on s'en rappelle plus. Donc toi, Anne-Julie Durocher, tu vas continuer de faire ta chronique avec les avec pas de cheveux, comme on dit. Avec puis, pas de cheveux. Hein? On va pouvoir en parler avec podcast. Avec pas de cheveux. Avec pas de cheveux. Génial. On va suivre tes aventures, on va te donner de l'argent, on va en parler à toutes les semaines. Cool, là, c'est gentil. Cool, hein? Bon. Ouais. Moi, je suis vraiment contente, j'ai vraiment hâte, ça fait 5 ans. C'est en fait, une belle implication pour vrai. Et pour les filles, je pense que des filles est plus dur. C'est difficile. Ah oui, ben, c'est sûr que je pleure. Là. Si vous voulez me voir pleurer, soyez là le 31 à 10h dans le 10-12. On veut tous pleurer. mais c'est ça, mais ça fait 5 ans en fait là, que j'ai poussé mes cheveux pour cette cause-là. Fait que, ah, pour vrai? Oui, oh, oui, ça fait 5 ans que je l'ai en tête. Puis là, j'ai décidé de le faire en fait là, parce que j'ai jugé que c'était le temps. Puis en fait, là, la sœur d'une de mes tantes est décédée samedi du cancer. Fait que je me suis dit... C'est là que c'est... C'est là que je le fais. Ouais. Puis, c'est souvent ça, en fait. Quand on regarde les gens qui se font raser les cheveux pour le cancer tout le temps, parce que ça les a touchés de plus près. Et c'est juste... C'est beau à voir. Ouais, oh, tout à fait. Bon. Ouais. Bravo. On t'encourage. Merci, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, à l'Index, qu'est-ce que tu nous présentes, Anne-Julie? Je vais vous parler de la série Les Tudors. Oh, ça a de la classe, hein? Ouais. Faut lever le petit doigt en disant ça, je pense. Ouais. Faut lever le petit doigt. C'est un petit peu British. Pour vrai. C'est ça. Fait qu'en fait, là, c'est ça. Je vais vous parler de la série Les Tudors. En fait, c'est une coproduction canadienne-irlandaise. La série présente là, 38 épisodes de 52 minutes, donc une heure. Là. Mais plus long qu'une série d'une heure commune qui est environ 44-45, parce que c'est 52, c'est une grosse série. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est une bonne série. C'est 4 saisons. La série, là, en fait, là, c'est la série a débuté en 2007 là, sur les ondes de CBC et Showtime. Et c'est terminé en 2010, donc c'est pas récent là, de quoi je vous parle. En fait, je vous en parle principalement parce que elle est maintenant sur Tout.tv. Oh! Gratuit! Gratuit sur Tout.tv. Donc, ça vaut la peine d'en profiter. Puis, on sait que les séries sur Tout.tv sont là pour une période limitée, souvent, là, de temps. Ouais, tout à fait. Fait que, ça encourage les marathons de très concentrés. Mais c'est ça, j'aurais dû vous en parler en fait, avant le temps des fêtes, pour que vous puissiez passer votre temps des fêtes à regarder les Tudors comme moi je l'ai fait et comme François Landry aussi l'a fait. Ah, cool. Oui. Fait que vous pourrez lui demander comment lui a apprécié la série. Et ça, les émissions sur Tout.tv sont là généralement combien de temps? Ouais. Est-ce qu'on le sait? Ça dépend. Ça dépend vraiment de la série, de l'émission, de... Si c'est écouté, j'imagine qu'ils vont la laisser. J'imagine. Ben, pas nécessairement, là, parce qu'en fait, là, je me souviens plus de la série que j'écoutais il y a quelques années de ça, mais tu sais, chaque épisode était là. Ça, mettons Infoman. Infoman est là comme 3 semaines. Fait que si après 3 semaines, tu l'as pas regardé, ben tu le reverras plus sur Puis ils vont sortir, TV. Ils vont sortir comme excuse que c'est parce que c'est une émission qu'il faut suivre l'actualité, c'est temporel, pas besoin de la laisser là, mais ça doit être une raison de plus de contrat ou des trucs comme ça. Le bye-bye, je suis sûr qu'il restera pas très longtemps, là, parce qu'à un moment donné... Tu sais, moi, je voulais écouter Les Pieds dans la marge, ils l'ont retiré, sûrement parce qu'ils voulaient vendre les DVD. Mais c'est ça. Il y a plein de raisons. Tu sais, le bye-bye, il sortira pas en DVD. Non, mais à me donner, ça devient un mois plus tard, regarder le bye-bye. T'as eu ta chance. C'est ça. Ouais, non, c'est sûr, mais en même temps, il est là, il est fait. Ça prend pas tellement plus de place. Les serveurs, ils les ont déjà. C'est pour créer l'engouement. Ouais, ouais, non, c'est ça. C'est pour que tu y retournes souvent. S'ils sortent un coffret de bye-bye dans quelques années, ça va les aider. Fait que, tu sais, ça crée une demande. Mais c'est ça. Fait bref, allez voir sur Tout.tv. Il y a la série Tu dors. Mais là, vous vous demandez comme pourquoi j'irais regarder ça sur Tout.tv. En fait, là, ce qui est intéressant de cette série-là, c'est qu'elle va nous présenter vraiment la vie... La vie rêvée? Non, ben non. Oui, si vous voulez vivre à la Renaissance, là, mais en fait, là, c'est la vie d'Henri VIII d'Angleterre, donc roi d'Angleterre, qui est interprété par le superbe, beau Jonathan Rhys-Meyers, qui est... Pour les filles, regardez juste pour lui. Puis pour les gars, regardez pour l'action. Là. Regardez pour l'action. Oui, donc, en fait, là, comme la série là, commence, en fait, là, dans le générique de début, là, je pense que ça s'appelle, là, c'est comme ça le dit, en fait, là, c'est vous pensez connaître l'histoire, mais vous ne connaissez que la fin. Pour en atteindre le cœur, il faut la reprendre du début. Je trouve que c'est la phrase, en fait, qui résume le mieux toute cette série-là. C'est que ça, on part vraiment du début de la série pour vraiment évoluer parce que, oui, on sait un peu, bon, les Tudors, on connaît un petit peu l'histoire, on l'a vu dans des cours, puis on en entend parler, mais c'est le fun de la voir. Je suis sûre que, Mathieu, tu te demandes, mais est-ce que c'est vrai ce qui est dans cette série-là? Oui. Je le vois dans ton regard. En fait, pour les grandes parties, oui. C'est sûr que, bon, la série est romancée puis qu'il y a certains faits qui ont été omis ou d'autres inventés puis que la chronologie n'est pas toujours respectée. Mais dans les grandes lignes, selon les historiens, là, ça reste quand même plutôt véridique, puis ça vaut la peine. C'est pour quelqu'un qui ne tente pas nécessairement de lire ou qui veut juste connaître là, l'ensemble. Vous allez avoir une bonne idée du portrait là, de la vie d'Henri VIII et de ses amours, de ses nombreuses relations extra-conjugales et amoureuses et ses mariages et tout ça. Donc, c'est très intéressant. Je ne vous conseille pas de le regarder toutefois avec des enfants. C'est quoi? Tu parlais d'action. Il y a de la violence, il y a du sexe. C'est quoi qu'il y a? Il y a beaucoup de sexe, mettons. Okay. As-tu la drogue? Non. Ah. Mais en tout cas, pas à date. Là, j'ai pas fini la série, mais jusqu'à présent, il n'y en a pas. Mais non, c'est peut-être... Ça manque-tu, non? C'est pas pour les enfants, là. Pas vraiment. C'est pas tant la violence, c'est plus le côté sexe qui est quand même très explicite. C'est là. C'est sexuellement explicite. Oui, c'est ça. Regardez ça tard le soir si vous avez des enfants, parce que sinon... Ça peut te donner des idées. Ben, ouais, mais c'est pas pour les enfants. Hein? Fait que... tu m'as fait perdre mon fil avec ça. Mais bref, je vous invite à regarder, bon, cette série-là, oui, pour les histoires d'amour. Mais aussi, là, ce qui m'intéresse beaucoup, bon, c'est tout le côté historique, mais aussi comme le rôle de chaque personnage qu'on sait qui ont vraiment existé, en fait, dans toute la politique. Puis tu peux voir l'évolution, tu sais, moindrement que tu suis la politique d'aujourd'hui, que tu connais un petit peu ton histoire, tu vois un peu, là, t'es capable de faire des liens, puis c'est ça qui est intéressant, à mon sens, de voir tous les liens entre les personnages, puis entre les différents pays, parce que oui, on fait référence à la France, on fait référence à l'Espagne, parce qu'il y avait des liens, des stratégies politiques, les diplomates et tout ça. Fait que c'est super intéressant, en fait, là, de pouvoir voir ça, parce que on n'était pas là, tu sais. En effet, la plupart d'entre nous n'étions pas là. Non, c'est ça. T'as découvert où cette série-là? Est-ce que c'est dans ton cours? Non, ben en fait, oui, on m'en avait parlé dans le cours qui portait, en fait, là, qui est donné par Monsieur Laurent Turcot. Là, j'oublie complètement le nom du cours. C'est un cours d'histoire. Ouais, un cours d'histoire. Il nous en avait parlé, en fait, de la série, mais j'avais essayé de l'écouter en anglais, mais vu que j'écoute toutes mes séries en anglais, l'accent, mais celle-là, j'étais pas capable à cause de l'accent. Puis vu que c'est historique, je voulais bien comprendre. Puis dans le temps des fêtes, j'avais rien à faire. T'avais une journée. Temps? Ouais, ben le 1er janvier, j'étais un petit peu maganée. Fait que j'étais allée voir sur tout.tv, puis j'ai vu que ça jouait. Puis j'étais juste comme très heureuse et je suis embarquée là-dedans et ça vaut vraiment la peine dès le premier épisode. Là. Combien d'épisodes jusqu'à maintenant? Tu disais 4 saisons, c'est ça? Ouais, ben ça finit à 4 saisons. La série est terminée, donc c'est 38 épisodes. Parfait. Sur 4 saisons. 3 saisons de 10, une saison de 8. La saison 3 et 8, les autres sont 10. Okay. Puis 52 minutes. Pas si pire. Fait que c'est ça, ça se regarde bien. Là. Quelques fins de semaine, tu t'en tapes un paquet. C'est ça. Mm-hmm. Puis là, les examens sont pas commencés. Vous pouvez faire ça le soir aussi si ça vous tente pas de sortir ça. Non, mais. Quand est-ce que tu vas boire? Mais c'est ça, j'ai dit ça ne tente pas de sortir. Ah, c'est vrai. C'est, cool. c'est ça. C'est bon. Regardez ça. Les tutos. Hein? Ouais. Et c'est gratuit, tu sais. Bon, ben, c'est gratuit. Pas cher. Les DVD sont très chers de ces séries-là. Les grosses séries là, gagnantes de prix, là, ça coûte cher. C'est ça, parce que ça, j'ai pas dit, mais ils ont été en nomination puis ils ont gagné plusieurs Emmy puis Golden Globes. Là, puis d'autres prix par un peu partout, là, mais c'est parce que je vous les ai pas dit parce que vous les connaissez pas là, en Irlande puis des affaires comme ça. Et que t'es élitiste, non, c'est pas vrai. Mais non, ben, moi-même, je les connais pas. Là. Non, c'est une série de grande classe. Quand on entend parler, c'est par des gens qui ont du goût. Donc, quoi que maintenant, tu peux dire que tu as du goût. Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est gentil. Ouais, c'est vrai. C'est pas une série... Je me suis bien conseillé. Exact. Mais en tout cas, les costumes sont beaux, les décors sont beaux. Mais ils ont gagné des prix aussi pour ça, là. Mais c'est pas tout à fait véridique, là. Quelqu'un qui aurait étudié, exemple, la tenue vestimentaire de l'époque pourrait vous dire « Ouais, mais c'était pas tout à fait ça, mais reste que ça. » Oh, ouais. À l'œil, c'est bien réussi. Il n'est pas supposé avoir un iPhone autour de sa taille. Non, c'est ça. The Tudors sur tout.tv. Oui. Anne-Julie Durocher, merci. Mais ça fait plaisir. Merci. Tu nous suggères une pièce musicale pour terminer? Oui. C'est quoi? Mumford & Sons. Yeah. Puis I Will Wait. C'est-tu ton album à toi? C'est ça. Ouais, ben c'est parce que j'ai oublié de repartir avec hier. Il était dans le rack. Ouais, je sais. Mais il faut que j'en ramasse. Ah. Moule le pays. Ouais, sinon, tu peux me le donner. Mais on va le jouer souvent. Fait que ça, on va se mettre laisser dans le panier. Hein? Je vais peut-être me le riper. Ouais, ça vaudrait peut-être la peine. Mumford & Sons, I Will Wait. Merci, Anne-Julie. Merci, Andrew. Merci à vous, les garçons. Mardi prochain. Ben oui. Pas de bon? Stone, and I fell head.

pas d'exercice. Oh, je rêve d'être une seule fois avec toi, sans avoir mal au pied. Oh, j'envie tous les enfants badalons qui ne font pas d'exercice. Oh, je rêve d'être une seule fois avec toi, sans avoir mal au pied. Les trois accords, la pièce exercice, Assemblage Requis. Tout le monde la veut, tout le monde veut l'entendre. C'est bon, c'est bon. C'est la fin de l'Assemblage Requis pour aujourd'hui. On y va dans l'ordre. On va commencer par remercier les gens qui ont participé aujourd'hui. Ouais, ouais, tout à fait. Mettons, on dirait que je pensais qu'il était 8h30. Excuse-moi. Non. On a fait deux heures, notre sentence. Notre sentence est faite aujourd'hui. Ah oui, merci Anne-Julie. Anne-Julie, d'ailleurs, vous pouvez la supporter. Je ne sais pas exactement c'est quoi l'adresse pour les gens qui veulent faire un don. En fait, là, vous allez juste aller sur le site de Leucan, vous marquez ça dans Google. Une fois que vous êtes sur le site de Leucan, vous marquez mon nom, Anne, pas de E, donc A-N-N, Tradignon, Julie, Durocher. Puis vous allez tomber sur mon profil, marqué Carnaval UQTR 2013, quelque chose comme ça. On fait un don. Oui. Ça serait fin. Simple, on va le faire. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Eh oui, il y a plus que genre, il y a à peu près 30 cm de cheveux que je vais donner. Et ça va quand même vite, hein? C'est le quoi, le 31 que tu... Le 31, donc écoute, on est déjà le 15. On te suit jusque-là sans cesse, on va en parler beaucoup. Anne-Julie Durocher, donc merci aussi à Michel Lebrun. Oui, merci Michel. Tu nous as appris plus sur le système judiciaire. C'était nécessaire aujourd'hui, je pense, pour nous. Sinon, demain à l'émission, on va avoir une bonne petite émission, quand même assez chargée. On va avoir Stéphanie Paradis avec une nouvelle chronique. T'sais, c'est celle qui fait son campus à toutes les deux semaines. Et ben, la semaine entre les deux, elle va faire sa chronique Les Petits Bonheurs. Et demain, elle va nous souligner les joies d'une chambre d'hôtel dans sa chronique. Ah. Ouais, elle a passé du temps dans un hôtel, faut croire. Ensuite de ça, David Ferron va être de retour pour nous faire écouter de la musique francophone. David Ferron. Yeah. Ferron. Espérons que Gustave se pointera pas le nez. Je sais pas, il arrête pas de dire. Il dit tout le temps, David, que Gustave est mort, donc arrête d'en parler. Je pense qu'il renie des faits, parce que ça se peut pas. Et puis Annabelle Maton va être là pour sa chronique coquine. Je t'aime moi non plus. Elle va nous parler du deuxième point G. Apparemment que c'est une étude qui a découvert ce deuxième point G. Il y en a qui n'ont même pas trouvé le premier, puis elle parle déjà du deuxième. C'est ce que tout le monde dit, mais on saura la vérité là-dessus demain entre 7h et 9h à Assemblage Requis. Restez à l'écoute à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier, Maître Janvier. Et puis après ça, rock classique à 13h en version écourtée, parce que j'imagine que Benoît Miel sur Bruxelles doit recommencer bientôt. Ça devrait. Sûrement aujourd'hui. Donc voilà. Restez là. Et c'est Poissière pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion, ce qui est là-dessus. Bonne fin de journée. Bonne journée. Bye. Bonne journée. Bye. Bye. On se quitte avec Rural Alberta Advantage. Woohoo! Et Stan. Ciao, ciao. wasted the night. Now love's waiting tonight. Now love's wasted tonight.